Chapitre 340. L'interdiction de lever les yeux au ciel pendant la prière sans raison valable. 1754. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Qu'ont certains à lever leurs yeux au ciel pendant qu'ils prient ?» Puis il eut des mots durs contre eux avant d'ajouter « Qu'ils cessent ou ils perdront la vue. » Al-Bukhari.